بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui ne croient pas parmi les gens du livre, de même que les polythéistes, ne cesseront d'être égarés jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Un messager de Dieu qui leur récite des feuillets purifiés, dans lesquels se trouvent des prescriptions d'une parfaite rectitude. Et les gens du livre ne se sont divisés qu'après que leur soit parvenue la preuve évidente. Il ne leur a cependant été commandé que d'adorer Dieu en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir assidûment leurs prières et d'acquitter la zakat. C'est cela la vraie religion. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ceux qui ne croient pas parmi les gens du livre, de même que les polythéistes, seront dans le feu de l'enfer où ils demeureront éternellement. De tous les êtres créés, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et font le bien, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense est auprès de Dieu, les jardins d'Éden, sous lesquels coulent des ruisseaux et où ils demeureront éternellement. Dieu est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Telle est la récompense qui est réservée à celui qui craint son Seigneur.